Chapitre 8e. Le voyageur de l'hôtel du Calvados. Une semaine après les événements que nous venons de raconter, un étranger empaqueté dans des fourrures, malgré la chaude température de la saison, arrivait par le train du Havre à la gare Saint-Lazare. Cet étranger, pour tout bagage, portait à la main une simple valise et il devait, en juger par la teinte plombée de ses joues creuses, relever de maladie. Lorsqu'il sortit du wagon, il éprouva une telle difficulté pour descendre qu'un des facteurs, touché de son piteux état, vint à son aide. « Appuyez-vous sur moi, monsieur, » lui dit-il, quand il lui mit le pied sous le bitume du quai. « Ce n'est pas de refus, mon garçon, » répondit l'étranger en lui prenant le bras, « car je ne suis pas un gambe. Avez-vous des bagages à réclamer ?» continua l'employé. « Je n'ai avec moi que cette balise. Donnez-la-moi, je la porterai. » L'homme aux fourrures fit un geste de refus, puis il s'enquit auprès de son guide s'il n'y avait point un hôtel meublé dans les environs de la gare. « Rue d'Amsterdam, en face la sortie. Il y a l'hôtel du Calvados, où les voyageurs sont parfaitement installés et à un prix raisonnable, » répondit le facteur. « Eh bien, conduisez-moi à cet hôtel, » dit l'étranger. Quelques minutes plus tard, ils étaient arrivés à destination et l'homme aux fourrures demandait à la maîtresse de la maison meublée s'il n'avait point des chambres vacantes. « Nous en avons à tous les étages, » répondit l'hôtelière. « Celle du premier coûte 5 francs par jour, celle du second 4 francs, les autres 3 francs. »« Donnez-moi une chambre au premier avec un salon attenant, » reprit l'étranger. « Nous n'avons pas d'appartement complet, » répliqua la femme, « mais si vous voulez 2 chambres qui se touchent, l'une d'elles pourra vous servir de salon. »« Soit, » fit le voyageur. « Les 2 pièces vous coûteront 10 francs par jour, c'est entendu. Monsieur prendra-t-il ses repas chez lui ou à la table d'hôte ? Je me ferai servir dans ma chambre. Alors le prix du repas sera d'un tiers en plus. Je ne discute jamais les prix qu'on me demande. » Repartit l'homme aux fourrures, qui, appuyé sur le bras du facteur, s'était dirigé vers l'escalier de l'hôtel. L'hôtelière le fit entrer dans les chambres numéro 1 et 2. « Ce n'est pas beau ici, mais je m'en contenterai. » Il examina ensuite avec un soin tout particulier la disposition du local. « Le numéro 1 me servira de salon, » continua-t-il, « et je coucherai dans le numéro 2. » La pièce qui portait ce dernier numéro avait 3 portes, l'une communiquant avec le numéro 1, la seconde donnait sur la chambre numéro 3, enfin, la 3e porte s'ouvrait sur le corridor. « Je n'aime pas les voisins, » ajouta le voyageur, « ils rentrent souvent fort tard et ils font grand bruit chez eux. » « Il y aura un moyen bien simple de parer à cet inconvénient, » reprit la maîtresse de l'hôtel, « ce serait de louer le numéro 3. De cette façon, monsieur serait complètement chez lui. »« Je loue le numéro 3, » dit l'étranger. « Maintenant, faites-moi allumer un bon feu, car je grelotte. Puis on me montrera tout ce qui est nécessaire pour que je me prépare du thé. » L'hôtelière avait peine à comprendre qu'on fit du feu par une température de 25 degrés à l'ombre. « Le pauvre homme est sans doute malade, » pensa-t-elle en se retirant. Au bout de quelques minutes, les ordres du voyageur étaient exécutés. Le facteur du chemin de fer était demeuré, attendant son pourboire. « Fermez la porte et venez me parler, » lui dit l'homme aux fourrures, qui s'était étendu dans un fauteuil au coin du feu. Le facteur obéit. « J'ai encore un service à réclamer de vous, » poursuivit l'étranger. « Ça me prendra-t-il beaucoup de temps ? 1 heure tout au plus. » « Alors je prierai un camarade de m'en remplacer pendant 1 heure, » dit l'employé, qui flairait une bonne aubaine. « Très bien. Vous allez vous rendre au boulevard Haussmann à l'hôtel du baron Walker. Je vois ça d'ici. Vous entrerez chez le Suisse et vous demanderez le nommé Fritz. Vous vous arrangerez de façon à lui parler en particulier. « Ce sera fait, monsieur, » répondit le facteur. « Vous lui direz ces simples mots. Le roi de l'huile est arrivé. Il vous attend au hôtel du Calvados, chambre numéro 1. »« Le roi de l'huile ?» fit le facteur. « Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. » « C'est juste, monsieur. Et puis après, c'est tout. Alors votre commission sera facile à faire. Voici pour votre peine, » répliqua l'homme aux fourrures en tirant une pièce de 20 francs de sa poche. Ce pourboire, qui dépassait toutes les espérances du facteur, fut reçu avec un empressement de bon augure pour la rapide exécution de l'ordre que le voyageur venait de donner. Le messager dépêché à l'ami Fritz s'acquitta avec une scrupuleuse exactitude de la commission dont il était chargé. L'homme de confiance du baron Walker était chez lui lorsque le facteur du chemin de fer se présenta à la loge de l'hôtel du boulevard Haussmann. Il fut d'abord très étonné d'apprendre qu'un voyageur malade l'attendait dans une maison meublée de la rue d'Amsterdam. Mais son étonnement se changea en terreur lorsque l'émissaire lui dit que l'étranger qu'il faisait appeler était le roi de l'huile. Le contre-coup qu'il en ressentit fut tel qu'il en chancela. « Qu'avez-vous ? » lui demanda le facteur. « On dirait que ce que je viens de vous annoncer, un étourdissement. » interrompit l'ami Fritz. « C'est bien, vous pouvez vous retirer. Je vais sur le champ vers la personne qui vous a envoyé. » Lorsque Fritz se vit seul, il donna un libre cours à son épouvante. Le doute n'était plus possible. C'était bien son terrible maître qui l'attendait à l'hôtel du Calvados. En même temps, il se demandait pourquoi le baron n'était pas descendu à son hôtel. Il voulait donc qu'on ignorât son retour à Paris. Mais sa pensée dominante, c'était l'accueil que lui ferait Walker après ce qui s'était passé en son absence. Le rapprochement d'Irène et du jeune duc de Vallombreuse, provenant du fait de Célestine Marbeau, ne le préoccupait, il est vrai, que médiocrement. Mais il n'en était pas de même du prisonnier de la petite maison fermée. C'était à lui que la garde n'avait été confiée, et sa disparition ne devait être attribuée qu'à lui seul. Et ce n'était pas tout. En même temps que l'homme, avait disparu la théière qui contenait le poison des sultans, et Dieu sait ce qui adviendrait si jamais le secret de ce poison était découvert. L'ami Fritz, on le comprend, n'était donc rien moins que rassuré quand il quitta l'hôtel pour aller rejoindre le baron Walker. Aussi trembla-t-il comme une feuille secouée par le vent, lorsqu'il frappa la porte de la chambre numéro 1. Une voix aigre se fit entendre aussitôt. « Entrez !» cria cette voix. Fritz traversa la première pièce et entra dans la seconde chambre où Walker l'attendait. Grande fut sa surprise à la vue des changements qui s'étaient produits chez son maître. Il avait peine à reconnaître cet homme dont il était devenu le complice et l'esclave, le redoutable aventurier, l'audacieux remueur d'argent qui prétendait lutter avec la dynastie des Rothschild. Il n'avait plus devant lui qu'un vieillard amaigri par la maladie et dont la peau couleur de plomb adhérait à ses tempes ridées. Enfoui dans une pelisse garnie de fourrure, il grelottait la fièvre devant un brasier ardent. « Assieds-toi en face de moi, » lui dit Walker, « et causons. »« Que monsieur le baron m'interroge et je répondrai. » répliqua Fritz, qui se sentit rassuré en voyant l'état de faiblesse et de dépérissement de son maître. Ainsi l'homme de la rue de la Baume a disparu. Et tu n'as pu retrouver sa trace ? Demanda Walker. Toutes mes recherches sont demeurées infructueuses. Mais comment a-t-il pu s'enfuir ? Avais-tu donc commis de prendre toutes les précautions habituelles ? Après son repas du soir, monsieur le baron, je l'ai enfermé comme toujours à double tour. Le lendemain, lorsque je suis allé lui porter à déjeuner, j'ai trouvé la serrure de sa porte dans l'état où je l'avais laissée la veille. Mais lui, il était parti. Cela est bien étrange, fit Walker tout pensif. Puis il ajouta, après quelques secondes de réflexion, « Et le lendemain, tu n'as remarqué rien de suspect dans sa chambre, rien qui pût te servir d'indication ?» L'ami Fritz hésita à répondre. « Qu'as-tu découvert ?» dit vivement le baron. « Car je lis dans tes yeux que tu as dû découvrir quelque chose. » La théière d'argent avait disparu. Walker tressaillit, pâlit, puis se remettant presque aussitôt. « Imbécile ! » fit-il en levant les épaules. « Comment tu n'as pas compris ? Mais on l'a enlevé, c'est clair comme le jour. »« C'est ce que j'ai supposé, monsieur le baron. » reprit avec aplomb l'ami Fritz, qui n'était pas fâché de faire preuve d'intelligence à l'aide d'un mensonge. « Que ne le disais-tu tout de suite ? Je craignais de vous effrayer. »« M'effrayer, moi ? Est-ce que je m'effraie de quelque chose ?» J'en ai vu bien d'autres qui ne m'ont pas fait sourciller. Ainsi donc, on l'a enlevé. C'est ma conviction, et tu ne soupçonnes personne. Oui et non, dit Fritz après un silence. Ce n'est pas une réponse, explique-toi catégoriquement. Eh bien, le coup, si je ne me trompe, repartit le valet, a dû avoir lieu pendant la nuit qui a suivi le jour de ma fête. Raconte-moi cela, dit Walker. L'ami Fritz fit le récit détaillé du plan du dîner qui s'était terminé par le sommeil léthargique de tous les convives. Le baron réfléchit pendant quelques instants. Il cherchait, par la force des déductions, à reconstituer dans sa pensée la scène de l'enlèvement. « Tu te laissais rouler comme un enfant, » dit-il ensuite à Fritz. « C'est Wilhelm qui a mené toute l'affaire. » « Mais comment aurait-il pu découvrir que la maison fermée fut habitée ? Je ne le sais pas. Mais j'affirme que c'est lui qui a fait le coup. Mais le lendemain matin, il était avec nous, tout aussi endormi que nous. » Walker eut un petit rire pareil au son d'une crécelle en entendant cette objection. « Pure jonglerie, pardieu, pour éloigner tout soupçon, » répondit-il. Le drôle, afin de dormir, puis il a ouvert la porte du prisonnier à ses complices, car ils devaient être plusieurs. Mais dans quel but leur est-on enlevé, monsieur le baron? Pardieu, cela saute aux yeux, dans le but de me soutirer une grosse somme à mon retour en France. Si les ravisseurs avaient agi dans une intention autre, il y a longtemps qu'ils m'auraient dénoncé à la police. C'est vrai. Or, comme ils doivent me supposer toujours en Amérique, je n'ai pas à me préoccuper de cette affaire pour le présent quart d'heure. Plus tard, nous verrons. Une simple réflexion, monsieur le baron, parle. Si notre homme, forcément sevré du breuvage que vous savez, allait recouvrer la raison, impossible. Il faudrait, pour que la raison lui fût rendue, qu'on connût le poison qu'il a lui enlevé, et en admettant cette hypothèse, qu'adviendrait-il? On doublerait le chiffre du chantage, voilà tout. Voilà tout, répéta Fritz comme un écho. À présent, poursuivit Walker, passons à autre chose. Où en est le roman d'Irène avec son duc? Hélas, grâce à la petite invention de mademoiselle Célestine Marbeau, tout va de mal en pis, répondit l'ami Fritz avec une feinte tristesse. Dans 10 jours, nos 2 tourtereaux seront mariés. Allons, allons, fit le baron, il était temps que j'arrivasse, mais me voici, et leur mariage n'est pas encore fait. J'ai 10 jours devant moi, et en 10 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Monsieur le baron a-t-il des ordres à me donner? Demanda le valet de chambre. Reviens demain à 10 heures, répondit Walker. D'ici à demain, j'aurai réfléchi. Fritz gagna la porte. Un mot encore, dit son maître. Pour tout le monde, tu m'entends? Je suis toujours à New York. Le secret du retour de monsieur le baron sera strictement gardé, répondit l'ami Fritz. Puis il partit, enchanté de s'être tiré sain et sauf des griffes de son redoutable patron. Walker, demeuré seul, s'abandonna à ses réflexions. Par instants, les muscles de son visage se contractaient, et des paroles incohérentes s'échappaient de ses lèvres. Parfois aussi un éclair éteint presque en même temps qu'allumé jaillissait de ses yeux. À quoi songeait-il? À son édifice de grandeur future, si lentement et si habilement construit, et qui s'était écroulé en quelques mois, ne laissant derrière lui que des ruines. À cette entreprise colossale, qui devait lui donner les millions nécessaires pour fonder un empire, et que cet avocat maudit avait fait échouer. Puis un nom venait se placer sur ses lèvres, celui de cette Miss Colfax, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue, et qui tout à coup s'était jetée à sa traverse et l'avait broyée sous ses pieds comme un grain de sable. Mais cette femme était donc son ennemi implacable, et que lui avait-il donc fait pour s'être attiré cette haine? Il lui avait acheté et payé ses puits de Pennsylvanie. Et certes, ce n'était point là un motif pour qu'elle voulût le ruiner et édifier sur sa ruine la fortune de la famille Valombreuse. Il devait y avoir autre chose qu'il ignorait et qu'il finirait tôt ou tard par éclaircir. Puis, laissant de côté ce sujet, il passait à Irène, à son prochain mariage avec Octave, et il se demandait comment il pourrait l'empêcher. La tête dans ses mains, il cherchait un moyen et ne trouvait rien. Il se leva alors et fit quelques pas dans l'espoir que le mouvement du corps réagirait sur sa pensée. Mais il avait trop présumé de ses forces, car il s'affaissa lourdement sur son fauteuil. En ce moment, on frappa à la porte de la chambre numéro 1. « Qui est là ? » demanda-t-il d'une voix gutturale. « Je n'ai appelé personne. » Un garçon de service parut alors, tenant des papiers à la main. « Qu'est-ce cela ? » fit le baron. « Ce sont les journaux du soir que j'apporte à monsieur, » répondit le domestique. La patronne a pensé que cela distrairait monsieur avant qu'il se couche. « C'est bien, mettez-les sur ma table. Monsieur n'a besoin de rien, de rien. »« Que prendra demain monsieur pour déjeuner ?»« Je vous le dirai demain matin, » répondit d'un ton sec Walker, agacé par toutes ces questions. Le domestique se retira. « Voilà un particulier qui n'est pas commode, » pensa-t-il tout en refermant la porte. Le baron était retombé dans ses réflexions. Cependant la nuit arrivait à grands pas, et la chambre qui servait de salon à Walker n'était plus éclairée que par la faible lueur de 2 tisons qui achevaient de se consumer. Walker alluma une bougie, puis il regarda sa montre. 8h30. Je ne peux pourtant pas me coucher, il est trop tôt. Tout en parlant ainsi, il posa machinalement la main sur la table placée à côté de son fauteuil, et dans un mouvement qu'il fit, 2 ou 3 journaux tombèrent à terre. « Pardieu, pensa-t-il, voici un passe-temps tout trouvé. Je vais jeter un coup d'œil sur ces journaux. » Il les ramassa et il parcourut l'un d'eux d'un air distrait. Bientôt, son attention fut attirée par un entrefilet de la seconde page consacrée aux nouvelles du jour. Voici ce que disait cet entrefilet. Nous apprenons que la fille du général russe Panutine, que son père avait amenée il y a quelques mois à Paris, afin de la faire traiter d'une grave affection de poitrine par l'un des princes de la science, le docteur Kabarok, s'est dans un état désespéré. D'un jour à l'autre, on s'attend à une catastrophe. « Panutine !» murmura le baron. « Oui, c'est bien le nom que je l'ai écrit là, en toutes lettres. Il était colonel lorsque je l'ai connu là-bas, pendant la guerre du Caucase. C'est lui qui, sans qu'il se soit douté, a été l'instrument de ma fortune. » Puis il ajouta plus bas, comme s'il eût craint qu'on ne l'entendît, « 25 000 roubles pour débarrasser la Russie de Ben Ismaïl qui lui portait ombrage, c'était bien tentant. Mais ce prix de ma trahison que mon intelligence, mon génie, ont plus tard transformé en millions, comment reste-t-il aujourd'hui? Quelques débris qui seraient la richesse pour un autre, mais qui pour moi... » Il n'acheva point cette phrase. Une pensée infernale venait de traverser son esprit. « La fille du général qui va mourir et Irène qui va se marier. » se dit-il. Si la mort de la première avait lieu la veille ou l'avant-veille du mariage de la seconde, ce mariage ne se ferait point. Et pourquoi cela n'arriverait-il pas? Le hasard joue parfois un si grand rôle dans ce bas monde. L'homme véritablement fort est celui qui sait tout prévoir. Sa prévoyance dut-elle être déjouée par les événements? Oui, poursuivit-il, j'agirais comme si les choses devaient se passer, ainsi que je le rêve. Je prendrai toutes mes mesures en conséquence et je me tiendrai prêt à faire face à toutes les éventualités. Eh bien, si je suis déçu dans mon espoir, je recourrai à un autre moyen pour rompre le mariage d'Irène avec ce Balombreuse. J'ai perdu la première manche, il me reste à gagner la seconde, qui sera décisive et je la gagnerai. Je veux la gagner. Irène, une fois ma puissance, je défierai tous ceux qui tenteraient de me la disputer et je m'asseoirai sur un trône. Cet homme, terrassé par la maladie et à moitié paralysé, était véritablement superbe en ce moment. Son visage semblait inspiré et ses yeux lançaient des flammes. À cette exaltation fébrile succéda bientôt une sorte de torpeur. Enfin, il put quitter son fauteuil. Il se traîna jusqu'à la chambre numéro 2 pour s'occuper des préparatifs de son coucher. Un quart d'heure après, il s'enfouissait sous d'épaisses couvertures afin de réchauffer ses membres toujours grelottants et de temps à autre, on aurait pu entendre sa petite voix de crécelle murmurer « Le beau projet, et quels admirables résultats s'il réussit !»